Le thème d'aujourd'hui, c'est comment lutter contre le handicap social. Participent à cette émission Gérard, André et Marie-Sophie. Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie, je vais vous parler des moyens de lutte contre le handicap social. Tout d'abord, je voudrais vous dire que dans la vie, pour tout un chacun, il y a un rythme. Il y a des moments très actifs, des moments moins actifs et des temps morts. Et ça, ça vaut pour tout le monde, y compris les malades psychiques. Donc le malade psychique doit s'adapter à ceci et doit accepter que de temps en temps il ne fasse rien. Et aussi il doit essayer d'arriver dans sa vie à faire des choses. En même temps que faire des choses, il doit tisser des liens avec les gens, parce que je considère que faire va avec le parler. Il doit essayer de faire des choses en groupe, si possible, ne pas s'isoler, pour essayer de développer ses capacités de travail. Même si c'est pas à proprement dit un travail, c'est ses capacités de réflexion, d'échange avec les autres, sa capacité d'écoute et sa capacité de communiquer, c'est-à-dire de parfois s'effacer devant l'autre, de faire un effort d'adaptation, et d'attendre, par exemple, que la personne ait terminé de parler pour parler à son tour. Je pense que c'est un exercice très utile pour les malades psychiques. Il existe des endroits de rencontre pour les malades psychiques qui sont très très utiles, je pense, où ils se rencontrent par exemple autour d'un café et ils s'écoutent les uns et les autres, discutent ensemble. Chacun est très différent, ce qui est très intéressant. Et chacun vient avec sa différence et chacun est respecté. Je pense que dans la vie, donc ce rythme se concrétise par des échanges avec les gens à tous les niveaux, que ce soit des échanges très insignifiants, comme dire bonjour, sourire, par exemple avec ses voisins. Déjà, c'est un début dans la journée, ça permet d'amorcer une journée, d'avoir un petit peu un réconfort dans le cœur, dire bonjour, ou alors essayer d'avoir des échanges avec des personnes, des commerçants, ou avec des gens, par exemple à l'occasion de fêtes, discuter avec les gens de sujets divers et autres, jusqu'à avoir des échanges beaucoup plus constructifs, si on décide de travailler quelque chose à fond. Par exemple, moi je fais de la musique, donc j'ai des échanges avec mon musicien et on travaille très sérieusement ce que l'on fait. Donc ça fait partie de la lutte contre le handicap social. Donc je pense que vraiment ce qui est important, que rien n'est insignifiant. Que même être dans la rue et de regarder les gens, de se distraire, c'est déjà un moyen de lutte contre le handicap social, de s'installer à une terrasse de café, de se détendre, d'être au milieu de la foule, pour ceux que ça ne dérange pas évidemment. Ça fait déjà partie d'une intégration. On est dans la société, on se sent être dans la société quand on est dans la rue, quand on est dans le bus, quand on est dans un café. On fait partie d'un groupe, on fait partie des gens du bus, on fait partie des gens du café, on fait partie des gens qui marchent dans la rue. Même si c'est pas beaucoup de choses, c'est déjà un début. Par exemple, quand il fait beau, on peut se balader. Ensuite, il y a les associations, bon, spécifiques pour les handicapés psychiques, mais il y a d'autres associations. Il y a les connaissances, il y a la famille, avec qui, même si les relations sont difficiles, on peut avoir quelques échanges en gardant le respect les uns avec les autres. Ensuite, je pense qu'on peut faire aussi une prévention avant la maladie. Avant la maladie, souvent les personnes ont des difficultés d'un point de vue social. On peut faire appel à des psychologues pour essayer de voir si l'enfant a des difficultés d'intégration. Je pense que ça. Que je peux intégrer cette question-là dans la lutte contre le handicap social. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis handicapé psychique et j'ai essayé de réfléchir sur ce fameux problème de la réinsertion sociale. Alors, j'ai essayé de me demander où commence le rejet de la société, puisque nous ne sommes pas, soi-disant, capables, du moins pendant un temps, de vivre normalement, d'avoir un appartement, de l'entretenir, de sortir dans la rue, il faut faire des achats, puisque on nous met sous curatelle, on nous met plein de bâtons dans les roues. C'est là le handicap social. Prend référence tout à fait avec l'histoire de la personne. Avant la pathologie et les soins, nous usions de la société naturellement. Elle avait ses règles que nous respections pour une bonne part, sans réfléchir. Nous avions un nom, une adresse, un travail, des idées politiques, des repères bien marqués, des buts, des objectifs. Nous voyions la misère sociale dans la rue, juste en bas de chez nous. Nous avions une pensée compassive, mais nous donnions les moyens de ne pas l'avoir. Cette misère, ce froid, cette faim, ce chômage, tout cela c'était pour les autres. Nous le déplorions, c'est tout. Malheureusement, l'exclusion sociale frappe beaucoup de monde, et n'importe qui. On connaît l'image de la spirale descendante, rapide et froide. Nous, elle nous vient par l'attouchement de la maladie psychique, laquelle a constitué l'événement perturbateur d'une vie qui s'annonçait comme des millions d'autres vies. Le mal-être, la souffrance psychique, l'inconfort, le dérèglement ont fait que nous avons perdu travail, argent, femme et même quelquefois enfants. Nous nous retrouvons alors parmi d'autres personnes qui, de par leur histoire, ont beaucoup de points semblables. Nous sommes à l'hôpital. Ben oui, il faut constater que tout commence comme ça. Nous lions connaissance avec des soignants, des soignés. Nous leur parlons, nous les respectons. Bref, nous tissons une forme de liens sociaux. Imaginons que cela dure longtemps, trop longtemps. Nous perdons nos amis, quelquefois notre famille. Nous ne fréquentons pendant des mois que des malades psychiques, en oubliant ce qui faisait notre vie d'antan, notre vie d'avant la pathologie. Et puis nous nous stabilisons, entre guillemets. Nous pensons à sortir, rien de plus naturel. Mais où aller? Nous avons perdu notre logement et les soins perdurent. Nous cherchons un appartement et le commencement des vraies difficultés. Nous y sommes à plein dans la réinsertion sociale. Le logement est en effet la première pierre d'achoppement de la réinsertion sociale. Elle est incontournable. Pourtant, la société nous rejette. Le combat pour trouver sa place dans un mécanisme aussi complexe et positiviste à l'extrême est un parcours du combattant. De plus, la stigmatisation joue là à plein le signal en passant. Cette difficulté du logement est emblématique des problèmes qui se posent quand quelqu'un veut se réinsérer. Il en est d'autres, évidemment. Je poursuis. Des structures axées sur les loisirs, des associations de groupes d'entraide sont là. Malheureusement, le patient ne peut individuellement faire la démarche. Pour lui, toutes les structures sont semblables. Elles reçoivent tous ceux qu'il ne veut plus voir du tout, des malades, qui restent le symbole de sa propre douleur. Mais il reste des situations que l'on doit gérer seul, comme aller au cinéma, par exemple. On voit là pointer l'affreux spectre de la solitude. En parlant de la solitude, je ne m'écarte pas du sujet. Avoir un lien affectif est souvent primordial. À deux, le quotidien et ses vexations sont mieux supportés, et la demande du couple convient plus au profil que la société admet. Le célibataire jeune, sans raison objective, bien sûr, passera plus difficilement pour un homme de confiance, à plus forte raison s'il est un malade psychique. Pour poursuivre ce vague exposé, je dirais que, comme je l'ai dit et redit, la stigmatisation, quand on parle d'initiative personnelle, prend plus de place que le rejet. On en parlera 100 fois et on ne sera jamais d'accord. Tout cela ressemble plus ou moins à une querelle de mots. En tout cas, elles nous font beaucoup de mal, toutes les deux. Dans toutes les demandes officielles ou non, adressées à la société, n'avouez jamais que vous avez un problème psychique. Il faut mentir, quitte à moduler ses mensonges en cas de nécessité. Ne pas faire de complète et y aller franco. La société nous ferme les portes, nous rentrerons par la fenêtre. Pour conclure, car il nous faut souvent faire la part du feu. Il ne faut surtout pas analyser tout ce qui arrive de façon négative. Si un propriétaire vous fiche par terre, nous devons nous relever très vite, car il n'est pas dit que les malades psychiques doivent vivre à genoux. Et engager ailleurs, l'échec doit être une leçon, pas une capitulation, loin de là. Et pour finir, j'aime bien cette phrase de Shakespeare. Je vous la donne, à mon avis, elle fait réfléchir. Elle est très simple. Il n'est de longue nuit qui n'atteigne l'aurore. Bonjour, je suis André. Comment lutter contre le handicap social? On vit en société. La société a ses règles, il faut s'y conformer. Ou quitter la société, vivre en ermite solitaire, accepter l'isolement, l'exclusion, le rejet. Je vais au centre social Recherche et Rencontre, centre social spécialisé dans la lutte contre l'isolement et la prévention du suicide. Très tôt, alors que je me percevais comme un artiste, j'ai été déclaré, défini comme un cas social. Les cas sociaux, on les enferme, dehors de préférence, pour qu'ils ne contaminent pas les autres, les membres sociaux sains et conformes. La société n'est pas tolérante, me disait une infirmière psy, avant de me renvoyer à mon problème qui, selon elle, ne relevait pas ou plus de la psychiatrie. Car si la société a ses règles, ses codes, ceux-ci évoluent et changent. Il faut alors s'adapter aux nouvelles donnes. Un handicap social, psychique ou sexuel peut devenir une nouvelle norme. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On va de surprise en surprise, c'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser de participer à la vie sociale, car elle ménage des rebondissements. Vivre en société n'est pas de tout repos. Il y a des oppositions, des frustrations, déceptions, frottements, frictions. La solitude a ses inconvénients, la vie sociale aussi. C'est souvent douloureux, difficile, éprouvant, finalement. La solution est parfois de dire « Moi, je suis handicapé, foutez-moi la paix. » Les gens ne sont pas gentils. La vie n'est pas simple, elle est compliquée. Moi, c'est bien simple, je veux qu'on me fasse un certificat médical. Comme quoi je suis invalide et qu'il faut qu'on me laisse tranquille et qu'on me ménage, autrement je ne joue plus. D'ailleurs, je ne joue plus. Je pense à la phrase de Saint François d'Assise, « Ne cherchez pas à changer le monde, changez de monde. » Comment lutter contre le handicap social? Je dis merde à la société autant que je peux. Je prends ma guitare et comme Renaud, je chante « Société, tu m'auras pas ». Tu m'auras pas parce que tu m'énerves et tu m'emmerdes et ça me rend tellement nerveux parfois ou tellement accablé que c'en est un handicap. Il faut que je reste à l'écart. Je préfère la compagnie des livres qui, comme dit Proust, sont l'œuvre de la solitude et les enfants du silence. Peut-être ne faut-il pas lutter contre le handicap social, au contraire, il faut le cultiver, en faire une œuvre d'art et pourquoi pas un monument. Dans ce que la société a d'abord rejeté, on trouve ce qu'elle a ensuite célébré comme ses plus remarquables productions. En tant qu'handicapé social, quand je considère Proust, Van Gogh ou Nietzsche, je ne me trouve pas en si mauvaise compagnie, et quand je lis ou regarde leurs œuvres, la société ne me manque pas. Comment lutter contre le handicap social? En faisant un pas de côté, résolument marginal et fier de l'être, en se mettant en dessous de la société ou au-dessus, comme on peut, mais ailleurs, dans un ailleurs meilleur ou autre, où il n'est plus question de handicap, où la notion de handicap social n'a pas de signification. Pour moi, le problème semble résolu. La société ne me comprend pas, je ne la comprends pas non plus, nous ne parlons pas la même langue, c'est pourquoi le plus souvent possible, je garde le silence et je la laisse parler. Quand c'est fini, je rentre chez moi, content d'avoir vu du monde, et pas fâché de me retrouver seul avec moi-même, car comme on dit si bien, avant de pouvoir supporter les autres, il faut d'abord se supporter soi-même, bien se connaître, ne pas se mentir si possible, ne pas avoir peur de se voir tel qu'on est et s'accepter. Pourquoi lutter contre soi? Pourquoi lutter contre la société et le handicap social? Les choses évoluent d'elles-mêmes, il suffit de les accompagner en dansant et en chantant, comme le préconise Nietzsche, encore lui. Le handicap social sera bientôt une vieille légende, une bonne blague qu'on se racontera le soir autour du feu quand on en aura fini de se raconter des histoires pas vraies et des conneries, quand on sera devenu enfin conscient et éveillé. Ça sera alors fini de nos cauchemars et de nos insomnies et on s'en ira, copains comme cochons, réconciliés avec nous-mêmes et avec l'autre, le grand autre ou le tout autre, dans le grand tout ou la bonne vieille histoire du handicap social fera très sauter de rire le cosmos qui n'en avait jamais entendu de meilleur. On se poile, c'est bien joli tout ça, mais on ne sait toujours pas comment lutter contre le handicap social. Ah merde, putain de handicap social. Voici ce que je propose pour favoriser l'insertion sociale à laquelle nous aspirons tous. Nous allons prendre des mesures sociales, et s'il le faut, un chausse-pied social, afin que tout rentre dans l'ordre. L'ordre social, il n'y a que ça de vrai, tout le monde sur une ligne, je ne veux voir qu'une seule tête, bande d'handicapés sociaux. Où en étais-je? Ah oui. Comment lutter contre le handicap social? Bonne question, je vais y réfléchir.